Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patparatin, mon pote. Et votre mission, si vous l'acceptez cette semaine encore, est d'écouter tous ces artistes indépendants qui vous proposent leurs nouveautés dans l'émission hebdomadaire. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, avec Absolute UNSA. Absolute UNSA, c'est la découverte, la rencontre de Sarah et Sylvain Cologne autour d'un piano. Et ça donne par exemple Obéi, que l'on écoute tout de suite. L'album Dantès et Mazès a pour titre En vrai, il est sorti il y a quelques jours, et bien on va l'écouter. Ils sont accompagnés d'Abdès et ça s'appelle Jusqu'à l'aube. Certains te diront ne fais pas ci, et encore d'autres ne fais pas ça, parce que c'est pas pour toi, parce que c'est pas comme ça, et toi tu te diras à quoi j'appartiens là, cette vie n'est pas pour moi. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je vois des des flashs, je vois des flashs. La putain, je suis défoncé. Je me souviens plus de son prénom, de toute façon, je pourrais pas le prononcer. Là, je suis bien. Oh, mais cette fois, je l'ai pas vu venir. Ouais, là, je suis bien. Mais j'ai pas vu le pire. Et ce soir, les lumières du club vont m'éclairer jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, ouais. Jusqu'à l'aube, j'ai perdu les clés de chez moi. Il va falloir que j'escalade. J'escalade, ouais. J'escalade, j'm'en bats les couilles du DJ et des videurs. Il reste que des manches et ça ferme dans une demi-heure. Ouais, j'm'en bats les couilles du DJ. J'insulte le videur. J'vais sûrement me faire virer avant la fin de la demi-heure. Ce soir, j'ai pas sommeil. Si j'ferme un œil, c'est pour pouvoir marcher droit. Et tant que j'vois pas le soleil, c'est qu'il est bien trop tôt pour rentrer chez moi. Merde, wow, mais dites-moi quelle heure il est. J'ai les poches remplies de tickets. Je raconte ma vie à ce gars depuis 2 heures, mais je sais pas qui c'est. Wow, où sont passés tous mes potes? J'ai que mon briquet, j'ai perdu mes clopes. Je vois mon ex au fond de la salle qui embrasse le connard sur qui j'avais des doutes à l'époque. J'ai les joues rouges et la gueule en travers. J'aime pas la musique, mais chante le refrain. Putain, j'ai mis la moitié de mon salaire dans une soirée dont je me rappellerai pas demain. Je croise le videur, change d'attitude. J'essaie de marcher droit, mais il voit que j'ai titube. On fait la même tous les week-ends. On fait pas pour kiffer, mais par habitude. Je vois des flashs. La putain, je suis défoncé. Je me souviens plus de son prénom. Non, de façon, je pourrais pas le prononcer. Là, je suis bien. Oh, mais cette fois, je l'ai pas vu venir. Ouais, là, je suis bien. Mais j'ai pas vu le pire. Et ce soir, les lumières du club vont m'éclairer jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, ouais. Jusqu'à l'aube, j'ai perdu les clés de chez moi. Il va falloir que j'escalade. J'escalade, ouais. J'escalade, je m'en bats les couilles du DJ et des videurs. Il reste que des manches et ça ferme dans une demi-heure. Ouais, je m'en bats les couilles du DJ. J'insulte le videur. Je vais sûrement me faire virer avant la fin de la demi-heure. Ce soir, j'ai pas sommeil. Si je ferme un œil, c'est pour pouvoir marcher droit. Et tant que je vois pas le soleil, c'est qu'il est bien trop tôt pour rentrer chez moi. Toujours en retard, mais moi j'arrive à fond. Je roule à vélo, pas de berline allemande. J'avais un dress code, donc je passe pour un con. Je dis à tout le monde, j'ai 207 à vendre. Un mec me parle, mais je l'entends pas. C'est un videur ou un bodyguard? J'ai fait des blagues, mais il sourit pas. Allô? Ouais, vous êtes où les gars? Je trempais mon tel, je trempais l'ennui, je trempais mon verre sur mon nouveau suite. J'ai prévu l'hôtel, payé le taxi, j'ai payé des verres à des inconnus. Deux, trois bouteilles en trop, deux, trois paroles en l'air. Le diable sur mes deux épaules, en route direct en enfer. Et ce soir, les lumières du club vont m'éclairer jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, ouais. Jusqu'à l'aube, j'ai perdu les clés de chez moi. Il va falloir que j'escalade. J'escalade, ouais. J'escalade, j'm'en bats les couilles du DJ et des videurs. Il reste que des manches et ça ferme dans une demi-heure. Ouais, j'm'en bats les couilles du DJ. J'insulte le videur. Le premier album de Au comptoir des histoires s'appelle Trêve de comptoir. Il sort également ces jours-ci et je vous propose le titre éponyme Au comptoir des histoires. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. C'est traîner dans les bars, commander 2-3 coups à boire, compter aux copains mes histoires, mes moments de gloire, et mes déboires. J'aime leur faire croire que je suis malin, que je suis loin d'être un bon à rien, que j'ai déjà fait un bout de chemin. Mon coup à boire, je le mérite bien, on aime parler de nos amours. Moi quand on n'est pas beaucoup connu, je leur dis ce que j'en pense de l'amour, moi quand on n'est jamais vraiment su. Je leur dis comment c'était là-bas quand j'ai fait la guerre au Vietnam. J'étais pas né à cette époque-là, j'ai même jamais quitté Paname. Mais les copains ils disent rien, ils savent bien que c'est des conneries, mais veulent pas me filer du chagrin. Mais c'est pour ça, c'est mes amis, mais nous c'est ainsi qu'on voyage, qu'on sort la tête de ce foutu bar. On en a vu des paysages sans jamais quitter notre comptoir. que j'aime pas c'est la guerre, c'est la famine, c'est la misère. On dit tout ça ouais mais le pire, c'est que ça nous empêche pas de dormir. J'aime pas le fascisme, les fachos, les nazis, me sort par les naseaux, c'est des magots. Certains diront, puis vote la flamme aux élections. Puis les copains, ils disent comme ça. Ouais t'as raison, mais t'emballes pas. Mais je m'emballe pas, mais ça m'énerve. J'aime bien faire celui qui s'énerve, ça fait genre j'ai des opinions. Que je me bats pour des convictions. Ouais mais dans le fond je suis qu'un malin, je veux impressionner les copains. Les exploits de mon passé, des choses qui m'arriveront jamais. Elle me fait passer pour un autre, comme ce que je vois à la télé. Quand j'ai failli être cosmonaute, je trouvais que ça gagnait pas assez. Puis les copains, moi, ce qu'ils aiment, c'est de faire croire qu'ils m'écoutent quand même. Parce que dans le fond, toutes mes histoires me font sortir du désespoir. Puis les copains, moi, ce qu'ils aiment, c'est de faire croire qu'ils m'écoutent quand même. Parce que dans le fond, toutes mes histoires, je viens être le seul à y croire. Audio Room, c'est un artiste qui s'appelle Nicolas Bernot. Il a plusieurs cordes à son arc. Voici Edwind. La courte échelle. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Vivre en roue libre pour tout ressentir plus intensément, pour partager chaque minute qui passe avec ceux que l'on aime. Voici le collectif Team Peace, roue libre. Prendre l'importance à l'instant, prochaine étape droit devant. Évidemment sans s'arrêter, les questionnements de côté. Prendre l'importance à l'instant. Prochaine étape droit devant. J'ai besoin d'emporter avec moi l'utopie. De me laisser glisser si je tombe, tant pis. Debout je serai plus fort et bien plus résistant. La chute vaut de l'or si elle va de l'avant. J'ai besoin de nouveau de me laisser guider. Sans le nuage du faux qui tarie mes idées. J'ai besoin d'être en roue libre. Évidemment sans s'arrêter, les questionnements de côté. En roue libre. Prendre l'importance à l'instant. Prochaine étape droit devant. En roue libre. Évidemment sans s'arrêter, les questionnements de côté. En roue libre. Prendre l'importance à l'instant. Prochaine étape droit devant. Du grand air, de me laisser aller, dépasser les frontières. Besoin de filer, d'éviter tous les pièges, les embûches imprévues, les efforts qu'on abrège, les confiances perdues. Difficile, c'est pas grave, dans un beau lâcher prise, me nourrir des entraves, des mauvaises surprises. Me sentir entraîné, façonner mon chemin, me sentir avancé en desserrant le frein. Besoin d'être, j'ai besoin d'être enroulé, évidemment sans s'arrêter. Évidemment, évidemment. Prendre l'importance à l'instant. En roue libre. Évidemment sans s'arrêter, les questionnements de côté. En roue libre. Prendre l'importance à l'instant. Prochaine étape droit devant. En roue libre. Évidemment sans s'arrêter, les questionnements de côté. En roue libre. Prendre l'importance à l'instant. Prochaine étape droit devant. Et je vous propose de continuer la courte échelle du jour avec Drink Me et How You Pretending. La courte échelle. I'm La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Des amis par milliers, digital plus que vrai. La lune a acheté des étoiles par milliers. Et pour de vrai, et pour de vrai, en 24 heures c'est livré. Infos par centaines, du vrai du faux. Les heures sont à la chaîne, et tout ce qu'il faut dans mon sac à dos. Et pour de vrai, mais pour de vrai, en 24 heures c'est livré. Mais faut pas, s'inquiéter. Mais faut pas, s'inquiéter. Le temps est à l'heure, le siècle bien adapté. Mais faut pas s'inquiéter. Des continents, des océans, Saturne, Jupiter, rien n'est jamais trop grand. Et pour de vrai, et pour de vrai, en 24 heures c'est livré. Le temps est à vendre, et les sourires aussi. Tout est à prendre, tout est permis. Et pour de vrai, et pour de vrai, en 24 heures c'est livré. Mais faut pas, s'inquiéter. Mais faut pas, faut pas s'inquiéter. Le temps est à l'heure, le siècle bien adapté. Mais faut pas s'inquiéter. Et les sourires aussi. Un monde un peu plus tendre, un peu de poésie. Et pour de vrai, et pour de vrai, j'attends toujours d'être livré. "24 heures", c'est le titre de ce morceau chanté par Élise. Le nouvel album de Gabriel s'appelle Treasure in the Garden. En voici un extrait, Paradise. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. In this time, I need peace inside. Stun up Christmas streets, I'm too old. Stay in this place of pollution. I must free my mind, yeah. I must go now to my paradise. I must go now to the end of my heart. I must go now to my sweet paradise. I must go to the heaven of my heart. Leave out the system now. It's time for I to go. My kingdom over there is waiting on. I can be a man in this time, but the one need to be, the one need to be another one, another, another. Freedom Road, c'est Indra Rios Moore qui arrive dans la courte échelle du jour. Vous écoutez la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants chaque semaine, des talents à découvrir. Thank you. Chaque semaine, découvrez dans La Courte Échelle le meilleur de la scène indépendante. Scène indépendante. Encore une nouveauté dans cette émission avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Nicolas Pérez. Nicolas Pérez, c'est l'artiste qui réalise pour nous le générique depuis le début de cette émission il y a 3 ans. Le voici avec sa complice Cécile Dohan et Chanson du Temps. Je vous emmène au-dessus des nuages avec Philaton. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Tu regardais par la fenêtre, au-dessus des nuages, pour voir si là-haut, le ciel était chaud. Tu regardais par la fenêtre, au-dessus des nuages, à relier tous les points perdus et lointains. regardais par la fenêtre, au-dessus des nuages, pour voir si là-bas, il faisait moins froid. Tu regardais par la fenêtre, au-dessus des nuages, pour pouvoir échapper au chemin tout tracé. Marcia Higelin est la fille d'Arthur H, c'est la petite fille de Jacques Higelin. Elle nous fait traverser sa tempête intime, sa solitude, son désarroi, sa colère et ses rêves aussi, notamment dans Prince de Saba. Attendre le vent et te mettre en mouvement. La courte échelle. Je suis beau, relève les yeux. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. L'album de Séraphin, pour titre 7665, comme son âge, réfléchissez-y. Et voici, c'est juste une mélodie. L'album est sorti le 15 avril dernier. Une mélodie dans les tavernes, telle une sirène, me rend fou dans ma caverne. Mais les nuits, tu me bernes, toi ma reine. Un beau jour, tu me dis, j'aime ça. Cadence, à défaut de vivre dans ton silence et dans ma noirceur de la brillance, j'entends encore tes avances. J'aime ça. C'est juste une mélodie. Chaque semaine, découvrez dans la courte échelle le meilleur de la scène indépendante. Scène indépendante. La clé, c'est le premier single du second album de Fred O.M. Ce soir, je vais dîner chez moi. Et toi, tu vas dormir chez toi. Pourtant, si bien dans tes bras. Mais la vie est faite comme ça. on va s'épargner ces petites scènes du quotidien un peu obscène. Tu me verras pas en pyjama, c'est sûrement beaucoup mieux comme ça. Et si c'était ça la clé d'une flamme au long cours? Et si c'était le secret d'un amour qui dure toujours? Chaque fois que je te vois, c'est un peu la première fois. Sur ma peau, ce doux frisson, tout mon corps en émotion. On va s'épargner les galères du quotidien ordinaire. Tu resteras à tout jamais la fille de mes pensées. Et si c'était ça la clé d'une histoire infinie? Et si c'était le secret d'un amour qui jamais ne s'enfuit? Stasera torna a casa mia e tu sarai a casa tua. Sto bene tra le tue braccia, ma forse così è la vita. E se fosse la chiave di un amore che dura per sempre. E si c'était ça la clé d'une flamme au long cours? Et si c'était le secret d'un amour qui dure toujours? Yara Lapidus va où son cœur le mène, s'ordonnant une énergie sans cesse renouvelée. La voici avec RIP. Vous écoutez La Courte Échelle, chaque semaine des talents à découvrir. Thank you. vous avez découvert sans doute dans la courte échelle Johanna Spreza il y a quelques mois avec son premier titre. Voici le dernier en date, ça s'appelle Au revoir. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Décline sur le lointain, que le soleil se couche sans lendemain. On espère que la nuit prendra fin pour revoir le jour au petit matin. De tout cœur, de tout amour. C'est avec un extrait du dernier album en date de Manon Grenier qui s'appelle « Je suis une rock'n co-girl » que va se terminer la courte échelle du jour. Le rendez-vous des artistes indépendants. J'ai le cœur doux, j'ai pas le cœur dur, j'ai la passion. J'ai l'air fragile, mais je suis fort. Je suis une rock, rock, rock, rock and cowgirl. Je suis une rock, rock, rock, rock and cowgirl. J'ai le cœur en miettes, j'ai le cœur lourd. J'ai sur le cœur des gros plasters, comme si j'avais une grosse blessure qui m'aurait si gravé sur C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveautés de la scène indépendante si vous le voulez bien. En attendant, eh bien soyez heureux. Votre instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.